الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز بالعبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. L'auteur, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, nous dit: Allah prescrit à toutes les créatures l'obligation de renier toute forme de ta'out et de croire en Allah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le ta'out, c'est tout ce qui est adoré, suivi ou obéi, et qui amène la créature d'Allah à enfreindre les limites qu'on lui a imposées. Les tawarit, le pluriel de tarut, sont très nombreux, et les principaux sont nombre de 5. Iblis, qu'Allah le maudisse, donc le diable, le shaitan, celui qui a adoré et approuve cela, celui qui appelle les gens à l'adorer, celui qui prétend connaître l'invisible, celui qui ne gouverne pas selon les lois qu'Allah a révélées. La preuve, la parole suivante d'Allah: nulle contrainte dans la religion, car le droit chemin est bien distinct de l'égarement. Celui qui renie le tarot et croit en Allah s'est donc bien accroché à la tâche la plus sûre. Et Allah est audient et savant. Ce verset traduit le sens de la ilaha illallah. Hier, nous avons expliqué une partie de ce passage qu'on va reprendre maintenant. Donc, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que les formes de tawarit sont multiples et nombreuses, mais les principaux sont nombre de 5. Il a commencé par citer Iblis, car c'est la base et celui qui appelle au mal, et c'est celui qui appelle à adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est celui qui a promis d'égarer tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté al-mukhlasin. Deuxièmement, man ubida wa huwa radin. Celui qui est adoré, donc avec Allah ou en dehors d'Allah, et approuve cela. Il n'a pas demandé à être adoré en dehors d'Allah. Mais lorsque cette grave action s'est produite, il s'est tu et a agréé cette chose-là. Donc des gens les adorent, eux n'ont pas appelé à être adorés en dehors d'Allah. Mais lorsqu'ils sont adorés, ils approuvent cela. D'accord? Ils approuvent cela et ne réprimandent pas ce mal. Ils sont satisfaits d'être adorés en dehors d'Allah ou avec Allah, wal'iyadu billah. Ces gens-là sont des tawarit. Idhan, man ubida wa huwa radin. طيب. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى وسواء عبد في حياته وبعد مماته qu'il soit adoré de son vivant ou après sa mort. Il n'y a pas de différence sur son jugement. Celui qui agrée d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un tarout. Il a dépassé les limites et a laissé les serviteurs d'Allah dépasser les limites. Car sa place était d'être un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa créature soumise à lui. Et cet homme-là a accepté d'être une divinité ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Le troisième, man da'a an-nas ila ibadati nafsi. C'est un degré au-dessus du précédent. Car ce dernier a invité les gens à l'adorer, a appelé les gens à l'adorer, a encouragé les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala à le prendre, lui, la créature faible, en divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى وإن لم يعبدوه. C'est un tarot, même si ils ne répondent pas à son appel. À partir du moment où la personne appelle les gens à l'adorer, c'est un tarot. Même si les gens n'accepte pas son message, n'accepte pas son appel, ne réponde pas à son égarement. Fa innahu min ru'usi at-tawarit. Ibn Uthaymeen nous dit, il fera quand même partie des têtes des tawarit. Quatrièmement, man idda'a shay'an min 'ilm al-ghayb. Celui qui prétend connaître une chose, des choses de l'invisible. Celui qui prétend connaître les choses de l'invisible. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى الغيب ما غاب عن الناس. الغيب, l'invisible, c'est quoi? C'est ce qui a été caché pour les gens. Ce qui a été caché pour les gens. Ce que les gens ماذا ignorent. وهو نوعان. Les choses de l'invisible se divisent en deux. واقع مستقل هذا غيب نسبي يكون للشخص معلوما وللآخر مجهولا. Donc il y a les choses de l'invisible par rapport, ou bien une chose qui est cachée, mais pour une personne en particulier, pas pour l'ensemble des créatures. Par exemple, Abdullah connaît une information, mais Mohammed l'ignore. C'est compris? Donc pour Mohammed, ça fait partie du raïb. Mais c'est le raïb nisbi. C'est-à-dire que lui l'ignore, mais autre que lui peut avoir connaissance de ce point-là. Est-ce que c'est compris? Par exemple, toi tu vas savoir que Jibril alayhi salam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu sous son apparence, sur laquelle Allah l'a créé, il avait 600 ailes et couvrait l'horizon. D'accord? Qui ne connaissait pas le hadith? Qui ne connaissait pas ce hadith que je viens de citer? Toi, pour toi, avant que je cite ce hadith, ça rentrait dans cette catégorie de raïb. Wadah? Qui connaissait ce hadith? Mais pas pour toi. Est-ce que c'est compris? Donc ça, c'est une chose cachée, qui peut être cachée pour une personne, mais pas pour une autre. Ça c'est l'ilm al-ghayb al-nisbi. Il est relatif. Il est relatif. Et non pas général. Est-ce que c'est wadah? C'est important de comprendre cela. D'accord? Wa ghaybun mustaqil haqiqi la yakunu ma'louman li ahadin illa Allah wahda. Et des choses de l'invisible qui ne sont pas relatifs, mais qui englobent toute personne. Cette science est cachée pour l'ensemble des gens, excepté Allah uniquement. Est-ce que c'est wadah? Qui a un exemple? Non, madame. Allah karamak. Le jour de la fin du monde. Est-ce que ça rentre dans ilm al-ghayb al-nisbi ou bien al-haqiqi qui englobe toute chose? Qui englobe toute chose. Dans le hadith Jibril à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignorait la réponse et Jibril ignorait la réponse. Ce sont les créatures les plus nobles chez Allah. Le meilleur des anges et le meilleur des hommes. Les deux ont ignoré l'heure de la fin du monde. Qui est donc le seul à connaître l'heure de la fin du monde? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui prétendra connaître cette sorte de science de l'invisible, voici celui qui rentre dans Tawarit. Est-ce que c'est compris? Taïb. Je reprends. Donc la science de l'invisible est de deux sortes. Une partie de cette science peut être ignorée par une partie des gens et connue pour une autre partie. C'est clair? Et on a cité l'exemple de la description de Jibril alayhi salam. Mada, le deuxième cas, la science de l'invisible qui est ignorée par tout le monde, sauf Allah uniquement. Alimul ghaybi wa shahada. Alimul ghaybi wa shahada. Celui qui connaît les choses de l'invisible et les choses présentes. إذن لا يكون معلوما لأحد إلا الله وحده أو من أطلعه الله عليه من الرسل. Donc personne ne peut connaître cette science. D'accord? Personne ne peut connaître cette science excepté celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura accordé cette science parmi ses messagers. Parmi ces messages. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses du paradis. Est-ce que quelqu'un aurait pu savoir ça? Non. Allah subhanahu wa ta'ala a fait connaître cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prétend connaître cette science, la science que personne ne connaît en dehors d'Allah, c'est un kafir billahi al-azim. Il est mécréant. Mukadhibun lillah. Mukadhibun li rusulillah. Il aura démenti Allah. Il aura démenti les messagers d'Allah alayhim as-salat wa salam. Pourquoi cela? Car Allah nous dit dans son livre: "Qul la ya'lamu man fi as-samawati wal-ard al-ghayba illa Allah." Allah nous dit dans son livre, dit, personne ne connaît que ce soit dans les cieux ou sur terre, les choses de l'invisible, en dehors d'Allah. En dehors d'Allah. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ طيب. Donc Allah nous informe dans le Coran que personne n'a connaissance des choses de l'invisible, en dehors de lui. Celui qui vient après et qui dit « si moi je connais ». Donc, il y a des phrases qu'on n'arrive même pas à dire, wallah. Wa mukadhibun lillah. Subhanallah. Allah Azza wa Jal dit telle chose, lui dit non, c'est pas vrai, moi je connais. A'udhu billah. Hadha min akbar al-kufr. Wa hadha min ru'us at-tawarit. Cela fait partie des pires mécréances. Et il fait partie des têtes des tawarit. Il a démenti également le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple, la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah. Personne ne sait ce qui se passera demain en dehors d'Allah. Dans un hadith, il y a une servante qui chantait ou disait des poèmes. D'accord? Et à un moment, elle a dit, wa fina rasulun ya'lamu ma fi ghadin. Et il y a parmi nous un messager qui sait ce qui se passera demain. Il l'a réprimandé, il lui a dit « La ya'lamu ma fi ghadin illa Allah ». Personne ne connaît ce qu'il y aura demain en dehors d'Allah. Taïeb. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'informer les gens qu'il ne connaît pas les choses de l'invisible. C'est la meilleure des créatures. Et Allah azza wa jal lui a donné la responsabilité de dire « Je ne connais pas les choses de l'invisible. » Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus noble créature, ignorait les choses de l'invisible, est-ce qu'il y a une personne après lui qui pourra connaître cette chose? Oui ou non? Là. D'accord? Donc, nous disons à ceux qui prétendent cela, ou ceux qui ont une faiblesse dans cette croyance, et se disent peut-être que le devin, ou peut-être que le marabout, ou que le frère, ou autre, a pu savoir par tel procédé ou tel procédé. On dit à ces gens-là, comment serait-il possible qu'ils connaissent les choses de l'invisible alors que le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la créature la plus noble, la meilleure chez Allah azza wa jal, ignorait les choses de l'invisible. Donc de deux choses l'une. Soit vous êtes mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? S'ils disent oui, ils sortent de l'islam. S'ils disent non, ils se repentent et reviennent dans la droiture. Voilà. Est-ce que vous êtes mieux ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam? S'ils disent nous on est mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sortent de l'islam. S'ils disent il est mieux que nous, on leur dit il ignorait les choses de l'invisible. Est-ce que vous allez les connaître? Donc ils n'ont pas d'échappatoire. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire dans le Coran, Alimul ghayb, et de réciter aux gens le Coran, Alimul ghayb fala yudhiru ala ghaybihi ahada. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Allah tabaraka wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre sa parole, le Coran. Et parmi ce qu'il nous a récité de Suratul Jin, le savant des choses de l'invisible, personne ou bien il n'a accordé à personne de connaître les choses de l'invisible. Excepté celui qu'il a agréé parmi les prophètes. Donc personne ne peut avoir accès aux choses de l'invisible. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala choisit d'informer un messager d'une part de cette chose. Naam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à sa meilleure créature, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de dire dans le Coran, de transmettre ce Coran. Qul, dit, Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous transmettre cela. Qul la aqulu lakum indi khazainullah, wa la a'lamu al-ghayb, wa la a'lamu al-ghayb, wa la aqulu lakum inni malak, in attabi'u illa ma yuha ilay. Dans sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et lui dit, dis, je ne dis pas que je possède les trésors d'Allah, ni que je connais les choses de l'invisible. Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, je ne connais pas les choses de l'invisible. Et je ne dis pas non plus que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Donc, les messagers n'ont pas connaissance des choses de l'invisible. Et plusieurs versets dans le Coran nous citent les paroles des prophètes à leur peuple, comme les paroles de Nuh, de Hud et d'autres. Nuh, awwal ar-rusul, Abu al-Bashariyya thani. Nuh, c'est le premier messager envoyé aux gens de la terre. Et c'est le deuxième père de l'humanité. مع ذلك ما علم أن ولده طيب لن يؤمن طيب يعني الذي غرق ولم يكن ولن يكون من الناجين. نوح عليه السلام malgré sa grande place n'a pas eu connaissance de la finalité de son fils qui a été noyé. Et il n'a pas su que son fils n'allait pas être sauvé du groupe des gens sauvés. Ça, parce que lorsque son fils a péri, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, lui a dit ta promesse est vérité. Et tu m'avais informé que ma famille allait être sauvée. Ça, mais il n'a pas su que son fils n'allait pas être sauvé. De cela, on tire quoi? Pourquoi est-ce qu'on cite cette histoire? Que Nuh, alayhi salam, n'avait pas connaissance du futur et des choses de l'invisible. Tayyib. Dans Surat Hud, Allah Azza wa Jal nous montre que Nuh a dit, وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Je ne connais pas les choses de l'invisible. Ibrahim, alayhi salam, ما علم أن ضيوفه من ملائكة الرحمن صح؟ إبراهيم عليه السلام lorsqu'il a reçu les invités et qu'il les a accueillis de la meilleure façon et leur a avancé de la nourriture صح؟ Qu'ont fait les anges? Ils n'ont pas mangé. Alors il a eu un peu peur. طيب. Et ça n'est qu'après information après avoir été informé qu'il a su qu'ils étaient des anges. Ibrahim alayhi salam Khalil Rahman, donc qu'est-ce qu'on tire de ça? Il ne connaissait pas al-ghaib. Il ne connaissait pas les choses de l'invisible. L'autre, son neveu alayhi salam, lorsqu'il a reçu la venue des anges et qu'il les a accueillis et que son peuple ont voulu madha faire ce que vous savez. L'autre était très mal vis-à-vis d'eux. Et ça n'est qu'à la fin que ces anges lui ont dit, ne t'inquiète pas, ils ne pourront rien contre nous, nous sommes des anges. Est-ce que l'autre savait cela? Non. De cela, on tire quoi? Qu'il ne savait pas les choses de l'invisible. Suleyman, alayhi salam, lorsqu'il a réuni l'ensemble, madha de la population, les hommes, les animaux. Il a manqué à l'appel qui? Hein? El-Hudhud, la huppe. D'accord? Puis il l'a menacé. Mais la huppe est venue avec de bonnes excuses. Elle a trouvé du shirk sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Elle a été choquée de cela et est venue donner cette information à Suleyman. Tayyib. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يعبدون الشمس من دون الله طيب jusqu'à la fin des versets. Lorsqu'il est venu et a donné cette information, Suleyman عليه السلام a dit قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا الحديث الايه. سليمان عليه السلام donc ignorait que la reine de Saba et son peuple adoraient le soleil en dehors d'Allah. صح? Donc Suleyman عليه السلام malgré qu'Allah عز وجل lui a donné des choses qu'il n'a donné à personne. طيب, malgré cela, il ignorait les choses de l'invisible. طيب اذا من ادعى علم الغيب من الكهان او السحره وتر فهو مشرك كافر ومن رؤوس التواغيت. Après tout cela, nous disons que celui qui affirme ou qui prétend plutôt connaître les choses de l'invisible comme les voyants, les devins, les marabouts, fqih et autres, d'accord, c'est min rouus at-tawarit. Personne ne connaît les choses du futur, personne ne connaît les choses de l'invisible en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et alhamdulillah, cette croyance tend à se propager. Et même les anciens maintenant savent que les devins et ces gens-là sont des menteurs. Comment est-ce qu'une personne qui te demande de lui ramener un poulet, hein, pourrait connaître les choses de l'invisible? Ces gens-là n'ont pas peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. S'ils avaient la science de l'invisible, ils auraient joué au loto et ils auraient été riches. Ils n'auraient pas eu besoin que tu leur ramènes un poulet pour vivre. Sa'ulala. Kazaboun. Affakoun. Tayyib. Sont des menteurs. Ils n'ont pas de pudeur. Ils ne craignent pas Allah, tabaraka wa ta'ala. Néanmoins, une remarque qui mérite d'être citée, c'est que le mot marabout, d'accord, a une base. Le mot marabout a une base. À la base, c'était les connaisseurs. À la base, c'était les connaisseurs. C'est pour cela que quelqu'un de mustaqim ou quelqu'un de science, les anciens disent, chez les Africains, ah, lui, c'est un grand marabout. Qu'est-ce qu'ils entendent par cela? Est-ce qu'ils entendent par cela que c'est un voyant? Non, pas du tout. Ils entendent par cela que c'est un connaisseur, quelqu'un qui a de la science et quelqu'un qui est droit dans la religion. Donc il faut bien faire la distinction entre ça et ça, selon la société dans laquelle tu te trouves. Hein? Quand je dis les marabouts, j'entends par cela ceux qui mettent les cartes dans les boîtes aux lettres et ceux qui disent t'as un problème. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Année de quoi? De l'argent? Tu veux de l'argent? Tu veux te soigner? Tu veux te marier? Tu veux? Ou t'as perdu ça? Je peux te le faire revenir et ainsi de suite. Wal'iyadhu billah. Ceux-là sont des sorciers. D'accord? Ils travaillent avec des shayatin et c'est de la mécréance. Et pour que le shaytan travaille pour lui, ils font un pacte. Il vend son islam contre les services du shaytan, wal'iyadhu billah. Tayyib. Wallah al-musta'an. Et nous sommes dans une mosquée à majorité africaine et maghrébine. On a l'obligation de connaître cette science et de l'expliquer chez nous et dans nos pays. C'est obligatoire. Parce que si toi qui viens à la mosquée apprendre ne le fais pas, qu'est-ce qu'il va le faire? Il faut expliquer cela avec science et avec sagesse, afin que les gens comprennent petit à petit. Et avec sagesse, bi-idhnillah, Allah va les guider. Nombreux sont ceux avec qui nous nous sommes disputés jadis, et qui aujourd'hui sont eux les prédicateurs du tawhid. Ces mêmes personnes qui se disputent avec nous sont les mêmes qui au jour d'aujourd'hui disent « ça n'est que mensonge, ça n'est que tromperie ». Donc il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Prêche à la vérité. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure façon. Tayyib. C'était le quatrième point, c'est ça? Tayyib, le cinquième point. وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Celui qui ne gouverne pas selon les lois d'Allah. نعم. أي بِغَيْرِ مَا فِي الْكِتَابِ السُنَّةِ. طيب. مَنْزِلَةُ الْعَبْدِ. مَنْزِلَةُ الْعَبْدِ. أَنْ يَحْكُمَ وَأَنْ يَتَحَاكَمَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَبِّنَا. La place du serviteur, c'est qu'il juge selon les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il revienne à sa législation tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Celui qui refuse les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala ou qui ramène d'autres lois que les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui appelle les gens à cela et dit que c'est meilleur que les lois d'Allah, ou semblable, ou permis. Hada tarut. Pourquoi? Car il a dépassé sa limite de serviteur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et passé de serviteur à juge. C'est comme s'il s'est mis en tant que seigneur avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, c'est un tarut. Tajawaza hadda. والحكم بغير ما أنزل الله يختلف حكمه طيب باختلاف الأحوال والحاكم et le jugement de celui qui fait cette action, qui juge avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal, sera en fonction de ce qu'il aura fait, sera en fonction de sa croyance, sera en fonction de la situation, sera en fonction de la situation. Et il y aura trois jugements. Il y aura trois jugements. Et avant ça, nous allons lire les fatawas de nos savants, de certains de nos savants. En commençant par Al-Lajnatul Da'ima, l'assemblée des grands savants. Su'ilat Al-Lajnatul Da'ima bi ri'asati Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Donc l'assemblée des grands savants, à l'époque où le président était Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, et le numéro de la fatwa, si je ne me trompe pas, est la fatwa numéro Mada 5741. السؤال من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه الأعمال فأجابت اللجنة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. طيب donc trois versets dans des endroits différents. J'ai oublié de dire وقال pour le deuxième verset, pour pas qu'on pense que c'est la suite. Donc tout cela dans سورة المائدة. طيب ولكن إذا استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كافر أو فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة وأما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أو نعم كافرا كفرا أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة كما وضح ذلك أهل العلم في تفسير الآية المذكورة. طيب. Donc, cette question a été posée à l'assemblée des grands saints. Celui qui ne juge pas selon les lois d'Allah, est-il musulman ou mécréant, d'une mécréance majeure? Est-ce qu'on accepte ses actions? Voici la question. L'assemblée des grands savants a donc répondu. La louange revient de droit à Allah, uniquement. La prière et le salut soient sur son messager, ses suiveurs et ses compagnons. Puis ils ont cité trois versets. Premier verset, celui qui ne juge pas selon les lois d'Allah, voici les mécréants. Celui qui ne juge pas selon les lois d'Allah, voici les injustes. Et le troisième verset, celui qui ne juge pas selon les lois d'Allah, voici les pervers. Néanmoins, si il rend cela permis, et il a comme croyance que c'est permis, c'est-à-dire de juger, avec autre que les lois d'Allah. Il voit que cela est permis. Alors à ce moment-là, il aura commis un acte de mécréance majeur. Et une injustice majeure, une perversion majeure. Il sort ainsi de la voie de la religion. Donc dans ce cas-là, celui qui dit que c'est permis de juger avec autre que les lois d'Allah, dans ce cas-là, il est kafir. Par contre, si il fait cela pour des pots de vin ou pour un autre but, mais a comme croyance que c'est interdit, dans ce cas-là, il sera pécheur. Il aura commis un acte de mécréance, mais de la mécréance mineure. Pas celle qui fait donc sortir de l'islam. Un acte de perversion, mais la perversion mineure. Un acte d'injustice, mais l'injustice mineure. Donc il ne sortira pas de l'islam. Comme ont éclairci cela les gens de science, dans l'exégèse de ces versets précédemment cités. Une seconde fatwa, قال ابن باز رحمه الله تعالى من رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من شريعة الإسلامية أو مثل الشريعة الإسلامية أو جائز أو أن الحكم بما أنزل الله أفضل ولكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز فهو كافر كفرا أكبر. Donc ça revient à ce que nous... نعم. Non, ça c'était la suite, plutôt Naam. Ibn Baz nous dit, celui qui voit que le jugement avec autre que ce qu'Allah a révélé est meilleur que la législation musulmane, ou semblable à la législation musulmane, ou permis, ou que le jugement selon ce qu'Allah a révélé est meilleur, mais de juger avec ce qu'Allah n'a pas fait descendre est quand même permis, alors il sera un mécréant, la grande mécréance. La grande mécréance. ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الشريعة الإسلامية أفضل ولكنه تساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر. Celui qui juge avec autre que les lois d'Allah, en ayant comme croyance que le jugement selon ce qu'Allah a révélé, ou pardon, je reprends, celui qui juge avec autre que ce qu'Allah a révélé, en ayant comme croyance que de juger avec autre que ce qu'Allah a révélé est interdit. Et il dit la législation musulmane est meilleure. Mais il a eu du laxisme. Il a eu du laxisme ou a fait cela car ses dirigeants ou ses gouverneurs lui ont ordonné cela. Alors il aura commis un acte de mécréance, mais petite mécréance. Mais de petite mécréance, c'est-à-dire qu'il ne sort pas de l'islam. Taïeb. Et Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit une parole semblable. Et a ajouté. Wa amma man hakama bi ghayri ma tayyib. Donc là, pour résumer, on a deux jugements. Le premier, c'est de la mécréance majeure. Dans le cas où il juge avec autre que les lois d'Allah, en disant, c'est mieux que les lois d'Allah. Ou semblable aux lois d'Allah. Ou permis. D'accord. Maza, dans ce cas-là, c'est de la mécréance majeure. S'il dit, l'obligation est de juger avec les lois d'Allah. De juger avec autre que les lois d'Allah est une chose interdite. Mais il a suivi ses passions, il a eu des faiblesses ou autre. Alors, dans ce cas-là, ce sera de la mécréance mineure, il ne sort pas de l'islam. Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous a cité un troisième cas. Il dit, hafidhahullah ta'ala, wa atala Allah fi umrih, que celui qui, yani, wa amma man hakama bi ghayri ma anzal Allah, an ghayri ta'ammud, bal an ijtihad, wa huwa min ahli l'ijtihad, min al-fuqaha, واجتهد ولكن لم يصب حكم الله وأخطأ في اجتهاده فهذه مغفور له قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر فله أجر متفق عليه. Cheikh Saleh, hafidhahullah ta'ala, nous dit par contre, celui qui juge avec autre que les lois d'Allah, mais involontairement, il a fait un effort et fait partie des gens qui peuvent faire des efforts de réflexion et fait partie des jurisconsultes, des gens, des savants du fiqh. Il a fait un effort de réflexion pour essayer d'atteindre la vérité. Mais il n'a pas réussi à atteindre le jugement d'Allah. Donc il a, pour bien comprendre, il a jugé avec autre que ce qu'Allah a révélé, mais en cherchant ce qu'Allah a révélé. Il s'est trompé. Il a fait cela involontairement. Cheikh Huna, hafidhahullah ta'ala, nous dit, donc il se trompe dans son effort, alors celui-ci, sa faute sera pardonnée. Sa faute sera pardonnée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le juge fait un effort, puis atteint la vérité, il a deux récompenses. Il obtiendra deux récompenses. Et s'il fait un effort, puis se trompe, aura une seule récompense. C'est un hadith qui est rapporté dans les recueils d'Imam Bukhari et d'Imam Muslim. Est-ce que c'est clair? Donc celui qui dit c'est permis, ou semblable, ou meilleur, ceci est du mada de la mécréance majeure. Ça y est. Puis l'auteur, donc voici pour Ru'us al-Tawarit. Ibn Athaymin dit une remarque. Il dit qu'il ne faut pas se presser dans ce jugement, car nous vivons à une époque où ce mal s'est vraiment répandu. Le fait de juger avec autre que loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le jugement, il ne faut pas se presser. طيب. L'auteur nous dit والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهذا معنى لا إله إلا الله والدليل أي والدليل على أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Donc la preuve de quoi? La preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire à l'ensemble de ses serviteurs le fait de mécroire au tarot et d'avoir foi en Allah. Se trouve donc dans ce verset. Nulle contrainte dans la religion, car le droit chemin est bien distinct de l'égarement. Celui qui renie le tarot et croit en Allah s'est donc accroché à l'attache la plus sûre. Ici, on remarque dans ce verset, donc la fin du verset c'est Shahid, ici Allah Azza wa Jal nous cite al-kufr bi-ta'ud, puis al-iman billah. Taïb. Pourquoi est-ce que dans ce verset, on a commencé par al-kufr bi-ta'ud, puis la foi en Allah? Puis la foi en Allah. Alors qu'on pourrait dire que le but est la foi en Allah. Vous avez compris la question? Est-ce que la question est claire? Je répète, Adam, où t'as compris? Dans le verset, celui qui renie le tarot et croit en Allah s'est donc accroché à la tâche la plus sûre. On a commencé par dire celui qui renie le tarot. Et on a dit seulement ensuite et qui croit en Allah. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par le fait de mécroire au tarot? Pourquoi on n'a pas dit celui qui croit en Allah d'abord? Allahu a'lam. Sahih. Yani, pour que ce soit semblable à la parole du monothéisme pur, la ilaha illallah. On commence d'abord par la négation, taïb, puis l'affirmation. Taïb. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. قدم الكفر بالطاغوت أو قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لأن الإيمان بالله لا ينفع إلا بعد الكفر بالطاغوت. Retenez cette réponse, جميلة جدا. Cheikh Fawzan حفظه الله تعالى nous dit: on a fait devancer la mécréance au taghout sur la foi en Allah, car la foi en Allah ne sera pas profitable si ce n'est après avoir mécru au taghout. Yani celui qui croit en Allah mais n'a pas renié le taghout, est-ce que cette foi lui sera profitable ou pas? Il sera semblable à qui? Kuffar Quraysh. Kuffar Quraysh, na'am. Ibn Asim rahimahullah ta'ala dit في الآية قدم النفي على الإثبات لأن من كمال الشيء إزالة الموانع إزالة الموانع قبل وجود الثوابت ولهذا يقال التخلية ثم التحلية. ابن عثيمين رحمه الله تعالى a dit dans le verset on a fait devancer la négation sur l'affirmation car la chose atteint sa perfection lorsqu'on enlève tous les empêchements avant d'y mettre le bien. Il nous dit c'est pour cela, la traduction est approximative, revenez plutôt à la vraie traduction. C'est pour cela que l'on dit, communément, le vidage puis le remplissage. Ça c'est une règle. Imagine un seau, d'accord, où il y a quelque impureté. Et tu mets de l'eau dans ce seau ou dans un verre. Hein? Est-ce que cela est sage? Ou bien tu nettoies d'abord ce verre, puis tu mets de l'eau? Hein? Tu nettoies le verre, ensuite tu mets de l'eau. Et un récipient dans lequel il y aurait une mauvaise chose, tu l'enlèves d'abord. Tu nettoies ce récipient, puis ensuite seulement, tu remplis ce récipient d'une bonne chose. Car la bonne chose, si elle se mélange à la mauvaise, ne sera jamais pure. Ne sera jamais pure. طيب. إذن الكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان. On retiendra ça. الكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان بالله. Le fait de mécroire au taghout, c'est une condition pour avoir une foi en Allah authentique, bénéfique, dans ce bas monde et dans l'au-delà. طيب. Le dernier passage de l'auteur. طيب, il nous dit également, وهذا معنى, وهذا هو معنى لا إله إلا الله. Et ceci est le sens de لا إله إلا الله. أي, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله. Il y a la négation, il y a l'affirmation. La négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah et l'affirmation que le seul qui mérite d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. L'auteur nous dit, et dans le hadith, la base fondamentale c'est l'islam, son pilier c'est la prière et son apogée le jihad. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi, l'imam Ibn Majah, al-Hakim, al-Mustadrak, l'imam Ahmed et d'autres. Et l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit dans Sahih al-Jami' qu'il est authentique. طيب. Contrairement à ce que j'ai pu voir auparavant. نعم. طيب. Donc dans ce hadith, رأس الأمر أي الدين. أي الدين. Donc ici on fait ressembler la religion à un corps. À un corps. Donc on nous dit la tête de l'ordre, de cet ordre, est l'islam. أي رأس الدين c'est-à-dire la tête de la religion c'est l'islam. قال ابن باز أي الشهادتان الشهادتان. Et si je ne me trompe pas, Ibn al-Arabi, al-Maliki, rahimahullah ta'ala, avait expliqué cela ainsi. Donc, Ra'sul amr ay din huwa l'islam, ay shahadatan. Donc, la tête de l'ordre, c'est-à-dire de la religion, c'est l'islam, c'est-à-dire le premier pilier de l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. واضح؟ طيب. Ensuite, وعموده الصلاة. Son pilier principal ou son pilier, c'est la prière. Et le pilier, c'est ce qui permet à la fondation de rester ماذا élevé. Et de par ce hadith, beaucoup de savants ont dit et que dans ce hadith, il y a une preuve qui appuie l'avis des savants qui ont dit que celui qui délaisse la prière sort de l'islam. Pourquoi? Car dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la prière, c'est le pilier qui maintient la fondation. Taïb, si tu casses ce pilier, que se passe-t-il? Imagine une tente où tu enlèves le piquet. Imagine un édifice où tu enlèves le pilier majeur. Que se passe-t-il? La fondation s'écroule. Donc Ibn Uthaymin et d'autres ont cité cela, wallahu a'lam. Puis, wa dhirwatu ay a'la, yani son apogée, yani le point culminant, dhirwatu sanamihi, al jihad fi sabilillah. Et son apogée, c'est le jihad. Il n'y a pas le mot na'amsi. Le jihad dans le sentier d'Allah. Tayyib. Puis, l'auteur nous dit, Wallahu a'lam. Il finit son livre, Al-Usul al-Thalatha, et nous dit, Wallahu a'lam. Khatama al-Sheikh risalatahu al-ilmiya biraddi al-ilm ila al-a'ila allam al-ghuyub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'auteur a fini son livre rempli de science avec humilité, en faisant revenir la science à son propriétaire. Puis, il dit, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Il finit en priant sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi, c'est-à-dire ses suiveurs. كما ترجح ذلك عند كثير من اهل العلم وصحبه et ses compagnons. Compagnon est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, a cru en lui et mort sur cela. Naam. C'est ainsi que se finit l'explication du livre excellent Al-Usul Al-Thalatha. Comme certains ont dit, thalatha plutôt, thalathatul usul, et d'autres ont dit, on peut dire les deux, na'am. Nous avons commencé l'étude de ce livre le 19e jour du mois de Dhul Hijjah, de l'année passée 1434, qui correspond au 23 octobre 2013. Et on l'a fini ce soir, le troisième jour du mois de Safar de l'année 1435. Je ne sais pas si nous sommes le 3 ou le 2 ou le 4. Vous voyez, qui correspond au vendredi 6 décembre de l'année 2013. Et ce qui fait un mois et demi. Falhamdulillah, alladhi bihi tatimmu salihat. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui par lequel se concrétise les bonnes actions. Wala hawla lana wala quwwata illa billah. Et il n'y a de force, ou bien personne ne peut passer d'un état à un autre, ni avoir la capacité de faire un bien, si ce n'est par Allah. Falhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. On remercie donc Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a permis de nous asseoir pendant un mois et demi dans cette mosquée afin de lire cet épître de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et parmi la reconnaissance, le fait de faire dua pour l'auteur, ce grand savant, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Car il fait partie des grands héritiers du prophète sallallahu alayhi, des grands héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nombreux sont les livres que nous avons lus, étudiés, bihamdillahi azza wa jal, dont il est l'auteur. Et subhanallah, même le tawhid qui s'est propagé en Afrique, il fait partie de ses causes. Il fait partie de ses causes. Falhamdulillah, Rabbil Alabi. Fanas'Allah tabaraka wa ta'ala an yaghfira li Sheikh Muhammad. As'Allah tabaraka wa ta'ala arfa'a darajati fil jannah. As'Allah yarhamah. Allahumma arhamhu. Allahumma arhamhu. Warfa'a darajati fil fardawsil a'la. واجعلنا معه معه في الفردوس الأعلى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.